les antennes naturellement compense étant donné le contexte international du conflit israélo-palestinien. Évidemment, compense au terrorisme palestinien et une remarque aucun des mouvements palestiniens. Même pas ceux qui organisent les attentats kamikazes dans telle ou telle ville d'Israël ne seraient aujourd'hui capables d'organiser ce qui s'est produit aujourd'hui aux États-Unis. L'ampleur de cette action, qui est une véritable guerre, n'ayons pas peur des mots, c'est une véritable guerre. On a touché en même temps la capitale économique, New York, et la capitale politique, Washington, des États-Unis, avec une violence et une détermination absolument stupéfiantes. Aucune organisation palestinienne, en tout cas seule, ne serait capable d'organiser un mouvement de ce genre. Et c'est précisément, à mes yeux, ce qui est le plus terrifiant à la minute qu'il est. Je préférerais penser que c'est un mouvement palestinien. Si ça n'est pas un mouvement palestinien, c'est un État. Des États. Non, je ne peux pas le dire parce que je ne peux pas. Non, mais je fais État. Pardonnez-moi. L'état d'alerte qui était déjà à son maximum dans tous les pays européens. des attentats de New York et des attentats aux États-Unis. Il a également envoyé, adressé à la condoléance au président Bush et au peuple américain. Mais vous avez une autre réaction à l'autre dans la rue palestinienne. Un certain nombre de jeunes, notamment à Tukaradian, à Thank you.